إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdoulillah, on va continuer dans la suite de qu'est-ce qu'on a expliqué dans les deux derniers cours au sujet de Al-Amr bil Ma'ruf et Nahy an al-Munkar. Et juste avant de commencer, on va juste clarifier quelques petits points avant de commencer avec la suite. Hier, on avait fait en introduction une petite note au sujet des manifestations. Et on a parlé de ça par rapport au fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et on a expliqué que parmi les principes d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est qu'il est interdit pour les musulmans de se rebeller, de se révolter et de faire des manifestations contre les dirigeants, même si ces dirigeants-là sont injustes. Et même si ces dirigeants-là font de la tyrannie, tant que ce sont des musulmans et qu'ils font la salat, c'est pas permis pour les musulmans de se rebeller contre eux. Et après la prière, après la salat de Isha, il y a un homme qui est venu me voir dans la rue et qui m'a dit, comme une shubha qui revient très souvent, il m'a dit que qu'est-ce que j'ai dit au sujet des manifestations, c'était pas vrai, parce qu'il y a une parole qui est attribuée à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dans laquelle il aurait dit, lorsqu'il a pris le khilafa, il a dit aux musulmans, si vous me voyez, obéissez-moi tant que je suis dans la vérité, tant que je suis sur la droiture, puis si vous me voyez dévié, alors corrigez-moi. Et à partir de ce moment-là, quelqu'un s'est levé et il a dit, oui Omar, on va te corriger même avec l'épée. Donc il cite cet exemple, ok, pour essayer de justifier les manifestations ou bien le fait de contester ou de se rebeller contre un dirigeant lorsqu'il fait de l'injustice. Et juste pour répondre à cette shubha, il y a deux points qu'on peut mentionner en premier pour clarifier que cette chose-là est fausse. Premièrement, cette parole qui est attribuée à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, elle n'est pas authentique. Elle se retrouve dans aucun livre de hadith, parmi les livres de hadith qui sont authentiques, et on le retrouve dans certaines narrations dans les livres de Sira, mais les narrations à ce sujet-là ne sont pas authentiques. Ça, c'est premier point. Deuxième point, même si c'était authentique, est-ce qu'on a le droit de mettre la parole de quelqu'un, peu importe qui il est, peu importe son degré de piété, peu importe son degré de connaissance et de savoir, est-ce qu'on a le droit de mettre la parole de quiconque devant la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et bien entendu, toute personne qui connaît les principes et les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a sait très bien qu'on n'a pas le droit de mettre la parole de quiconque devant la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été rapporté justement selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, et vous pouvez retrouver cette citation dans Kitab al-Tawhid, que quelqu'un est venu et il a dit il a dit aux gens de ne pas faire le hajj tamattu. Et quand Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit il faut faire le hajj tamattu parce que ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit de le faire. La personne a répondu et a dit oui mais Abu Bakr et Omar ont dit autrement. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit subhanallah, j'ai peur que des pierres tombent sur vos têtes du ciel. Je vous dis, qala Rasulullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me répondez, qala Abu Bakr wa Omar, et vous me répondez, Abu Bakr et Omar a dit, yani, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre la parole de quiconque d'entre les hommes devant la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un principe et un des fondements les plus importants dans l'islam. Donc même si cette parole elle était authentiquement attribuée à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, on n'aurait pas le droit de la mettre en avant de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit clairement et explicitement dans de nombreuses narrations à ce sujet-là qu'on n'a pas le droit de se rebeller et de se révolter contre le dirigeant. Et il a dit même si il frappe ton dos, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Même si il te frappe ton dos, même s'il prend tes biens, alors écoute et obéis. Hein? Donc ça clarifie le point à ce sujet-là. Et après, qu'est-ce que la personne a rétorqué ou a dit par la suite, c'est que non, mais c'est pas seulement que ces dirigeants-là ont fait de l'injustice, mais ils ont pris les biens des gens et ils ont atteint l'honneur et ainsi de suite. Et allez, la réponse à ce sujet-là, elle se trouve dans le hadith lui-même. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé déjà à l'avance, depuis 1400 ans, que des dirigeants allaient venir et que ces dirigeants-là allaient faire ces actes d'injustice, qu'il allait prendre les biens des hommes injustement et qu'il allait frapper leur dos injustement et qu'ils allaient faire toutes sortes d'autres formes d'injustice. Donc il nous a prévenus à ce sujet-là déjà. Alors comment ça se fait que lorsque tu vois ces formes d'injustice-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé déjà et il nous avait ordonné que lorsqu'on allait voir ces choses-là qu'on devait être patient et qu'on devait continuer à obéir dans le bien jusqu'à ce qu'on voit un kufr bawah, un kufr clair au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là comment on peut agir comme si les hadiths ne parlaient pas de ce sujet-là déjà? Hein? Et le problème aussi parfois à ce sujet-là, c'est que beaucoup de gens ignorent la ligne qui tranche entre qu'est-ce qui est kufr et qu'est-ce qui n'est pas kufr. Et qui tranche entre ce qui est kufr akbar et kufr asrar. Ou entre ce qui est shirk akbar et shirk asrar. Et étant donné qu'ils ne connaissent pas les principes et les fondements de l'islam, ils mélangent entre les deux et ils font sortir des gens de l'islam pour des choses qui ne font pas sortir de l'islam. Et ils rentrent dans la voie des khawarij de cette manière-là. Et même les ulama de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, lorsqu'ils mentionnent le hadith qui dit d'écouter et d'obéir, et acceptez si vous voyez un kufr clair au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ulama ont dit oui, si le dirigeant a commis un kufr clair au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce kufr il est clair comme le soleil en plein jour, ils ont expliqué que malgré cette situation, il y a des conditions à tenir, hein, à prendre en considération. Que même si le dirigeant est devenu kafir, si tu penses que en sortant contre ce dirigeant-là, ça va ramener plus de tort, plus de mal, plus de désordre, plus d'injustice, de l'insécurité, le sang des innocents qui va couler, alors dans ce cas-là, ça devient haram pour les musulmans d'embarquer dans cette voie. Alors la voie, elle est claire. Et ça, c'est les principes de Ahl al-Sunnah qui sont acceptés à l'unanimité par les ulama dans le passé et à notre époque aujourd'hui. Donc, quand ces gens-là vous viennent avec ce genre de shubuhat, il faut bien comprendre ça et il faut bien savoir comment leur répondre. Aussi, un autre point avant de rentrer dans la suite. Au sujet de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, certaines personnes pensent que pour ordonner le bien aux autres et pour interdire le mal aux autres, il faut être parfait. C'est-à-dire qu'il faut être soi-même impeccable. Il ne faut pas avoir aucun péché, aucune faute. Et si quelqu'un attend d'atteindre ce degré de piété, de connaissance et de perfection dans sa religion pour être capable d'ordonner aux autres le bien et d'interdire le mal, alors ça veut dire qu'il n'y aura plus d'ordonnance du bien et il n'y aura plus d'interdiction du mal puisque tout le monde fait des péchés. Et tout le monde désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta ila tawwabun » C'est-à-dire tous les fils d'Adam commettent des péchés. Et le meilleur d'entre les pécheurs, c'est celui qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et qui se repent. Donc, même si on n'a pas atteint la perfection, même si on n'est pas un modèle de piété, ça n'empêche pas qu'on a quand même la responsabilité et le devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et les ulama à ce sujet-là ont expliqué que quelqu'un, lorsqu'il commet un péché, ça reste quand même une obligation pour lui de l'interdire aux autres, même s'il est en train de le commettre lui-même. Et ils ont expliqué la raison de cela en disant que le fait d'abandonner l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, c'est un péché en soi. Et le fait de le commettre, ce péché-là, c'est un autre péché. Ça veut dire que c'est deux péchés. Celui qui commet un seul péché, c'est moins grave pour lui que de commettre deux. C'est-à-dire celui qui fait un seul péché, c'est-à-dire il commet ce péché-là, mais il n'a pas commis le péché d'abandonner l'interdiction du mal, il est moins égaré ou moins loin de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne que celui qui a abandonné deux choses ou qui ont commis deux péchés au lieu d'un. Et ça, c'est un point très important. Malgré que, bien entendu, si quelqu'un ordonne le bien ou quelqu'un interdit le mal et que lui-même fait le mal, c'est sûr qu'il donne le mauvais exemple et qu'il est sous la menace d'un châtiment sévère à ce sujet-là, puisqu'il y a des hadiths qui parlent de ça. Mais en même temps aussi, le fait de l'interdire aux autres, c'est quelque chose qui peut le motiver et le pousser par la suite à se forcer à abandonner ce péché-là pour lui-même. Et la même façon que quelqu'un, par exemple, qui a un enfant, il va lui interdire de fumer s'il le voit avec une cigarette, même s'il fume lui-même, parce qu'il sait que c'est mauvais. Et par la suite, peut-être que ça va l'encourager à abandonner lui-même cette cigarette-là, par exemple. Donc, on va poursuivre qu'est-ce qu'on était en train d'expliquer par la suite avec les paroles de Cheikh Al-Fawzan dans cette conférence qu'il donnait. Il dit « وَفِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَيْضًا ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لعنتهم على ألسن أنبيائهم لما لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ولكن من أجل موعظتنا نحن لئلا نقع فيما وقعوا فيه فيحل بنا ما حل بهم قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كانوا لا يتناهون هذا من باب السبب لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a également mentionné le fait qu'il a maudit les fils d'Israël. Il a maudit les fils d'Israël par la langue de ses prophètes, parce que les fils d'Israël ont abandonné l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne cet exemple dans le Coran pour qu'on puisse nous-mêmes éviter de tomber dans le péché qu'ils ont commis eux-mêmes, pour faire en sorte justement que le châtiment qui est tombé sur eux ne tombe pas sur nous, et pour qu'on puisse prendre une leçon de cet exemple. Et donc il mentionne le verset 77 à 79 dans Sourate Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Ceux qui ont mécru d'entre les fils d'Israël ont été maudits par la langue de Daoud et de Isa, fils de Maryam. C'est parce qu'ils ont désobéi et qu'ils transgressaient. Ils transgressaient les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne s'interdisaient pas le mal ou le munkar qu'ils faisaient les uns les autres, comme était mauvais ce qu'ils faisaient. » Donc, la cause pour laquelle ils ont été maudits par Allah subhanahu wa ta'ala, par la langue de ses prophètes, c'est parce qu'ils ne s'interdisaient pas les uns les autres le mal qu'ils faisaient. Le cheikh, il dit ensuite, « Dhamma Allahu sani'ahum » ذم الله صنيعهم هذا وهو تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم واللعنة لا تكون إلا على جريمة كبرى قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون موالتهم للكفار هذا لأنهم لا ينكرون المنكر ولا يغارون على محارم الله سبحانه وتعالى ولا يعادون أعداء الله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يحبونهم ويعينونهم ويساعدونهم وهم كفار لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون Le cheikh il explique ensuite, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé donc leur comportement et ce qu'ils faisaient, du fait qu'ils ont abandonné l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, et qu'il les a maudits par la langue de Taoud et de Isa ibn Maryam, et la malédiction est uniquement pour un péché qui est très grave, un grand crime. Ensuite, dans le même verset à la suite, le verset 80 et 81, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et tu vois beaucoup d'entre eux prendre pour alliés les gens qui ont mécru. Ceux d'entre eux qui ont mécru. Et comme est mauvais ce que leurs âmes ont préparé pour eux et qui a fait en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala a été en colère contre eux et qu'ils demeureront éternellement dans le châtiment. Et s'ils croyaient réellement en Allah et en le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui a été révélé sur lui de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne les auraient pas pris comme alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Donc, le fait qu'ils ont pris pour alliés les kuffars et qu'ils ne dénonçaient pas et ne condamnaient pas le mal que font les kuffars, eh bien, yani, ça a été une autre cause dans la malédiction qu'ils ont eue. Et ça, on le remarque encore ici aujourd'hui parmi les musulmans. Beaucoup de musulmans prennent les kuffars pour alliés. Et quand c'est la question de Al-Wala ou Al-Bara, beaucoup de musulmans sont dans la confusion totale à ce sujet-là. Et ils ne comprennent rien, illa ma rahim Allah, au sujet de cette question. Tu vois des gens qui sont soit dans un extrême ou dans l'autre. Tu vois des gens qui sont dans l'extrême, comme les Khawarij, et qui pensent que toute transaction économique ou tout accord politique entre les pays musulmans et les pays de Kouf, qu'ils considèrent que ça, ce sont des formes d'alliance qui font sortir de l'islam. Donc, ils considèrent tout ça comme étant une forme de mouala qui fait devenir mécréant. Et de l'autre côté, vous avez une autre catégorie de musulmans qui est dans l'autre extrême et qui considère que non, il faut détester personne, il faut n'haïr personne, même pour Allah, et qui disent tout le monde sont des frères, les kuffars sont des frères, les juifs sont des frères, et ils refusent même de dire que les juifs et les chrétiens sont des kuffars, et ils appellent au rapprochement et à l'unification des religions et au dialogue entre les religions et à toutes sortes d'idéologies de ce genre. Donc c'est soit un extrême ou l'autre. Et le juste milieu, qui est la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et qui est la position de la modération, c'est de savoir où trancher la limite, et de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de détester les kuffars en général, et de les détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu les détestes à cause de leur shirk, que tu les détestes à cause de leur kufr, et que tout élément qui contredit les règles de l'islam, eh bien, tu ne dois pas être d'accord avec eux sur ces principes-là. Toute chose, acte ou parole, ou règle ou croyance qui est en contradiction avec les principes de l'islam, et avec les croyances de l'islam, et avec les règles de l'islam, tu n'as pas le droit de te mettre d'accord avec les koufars sur ces choses-là. Et bien entendu, en priorité, les questions qui ont rapport avec l'aqidah, et qui ont rapport avec le tawhid et qui ont rapport avec le shirk. Mais malheureusement, on voit des musulmans actuellement qui se mettent d'accord avec les koufars et les mouchriquines, avec les juifs et les chrétiens, sur le kufr parfois, et sur des principes et des idéologies qui sont en opposition totale avec les principes du tawhid et les principes de la aqida de l'islam. Alors ça, ça rentre dans une forme de mouwalat qui fait sortir de la foi musulmane. Tandis que si des musulmans ont des accords économiques avec des juifs, ou avec des chrétiens, ou avec des athées, ou avec des bouddhistes, ou avec des hindous, et qu'on fait du tijara, on vend, on achète d'eux, ça c'est pas haram. Ça c'est permis dans l'islam. Hein? De même que de marier une chrétienne ou une juive, selon les conditions de l'islam, ça c'est permis dans le Coran. De même que manger la viande des juifs et des chrétiens qui a été égorgée, ça aussi c'est permis dans le Coran, dans Surat Al-Ma'ida, le verset 5. Hein? De même que également, si quelqu'un par exemple, il a une mère ou un père qui est mouchrik, ou qui est kafir, ou juif, ou chrétien, ou autre, d'agir bien avec nos parents, même si ce sont des koufars, et ça, ça ne rentre pas dans le mouala. Hein? Tant que tu les détestes pour leur kufr et leur shirk et que tu les obéis pas dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de problème avec ça. De même que si tu as des voisins qui sont des juifs et des chrétiens et des koufars, il n'y a rien qui t'empêche d'être bon avec eux et de les traiter selon les principes de l'islam. Comme eux ils te traitent, tu les traites de la même manière. Hein? Ça c'est des règles de l'islam qui ne rentrent pas en contradiction, hein, avec les principes de la croyance islamique. Ça, c'est des interactions dans la dunya. Il n'y a pas de problème avec ça. Les ulama de Ahl al-Sunnah, ils ont clarifié ces choses-là dans les livres de Aqidah et dans les explications qui ont rapport avec Al-Wala ou Al-Bara. Et donc, c'est très important de bien étudier ces sujets-là et de bien les comprendre comme il faut pour ne pas tomber dans l'extrême, soit d'un côté ou dans l'autre. Hein? Parce qu'il y a des gens, comme par exemple, qui écoutent des idéologies comme la secte des frères musulmans, Al-Ikhwan al-Muslimoun. Et eux, ils disent, notre problème qu'on a avec les juifs, ce n'est pas un problème à propos de la religion, c'est un problème seulement à propos de la terre, le territoire. Ce n'est pas à propos de la religion. Ça, c'est faux, Yanni. Notre problème avec les juifs, ce n'est pas un problème seulement à propos d'un territoire. Sinon, même des fois, tu peux avoir un problème avec un musulman qui vole ta terre. Hein? Est-ce que ça va être la même chose que quand tu as un problème avec un kafir qui vole ta terre? C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que le kafir, déjà, le juif, il nie le Coran. Il nie la sunna. Il nie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nie l'Injil. Il nie la Torah. L'Injil, il nie Isa ibn Maryam. Hein, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est des principes fondamentaux qui sont en contradiction avec l'islam. Aujourd'hui, les gens, ils mélangent la politique avec la religion dans le sens que ils ne détestent pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils détestent uniquement pour la dunya. Et si quelqu'un est correct avec lui dans la dunya, il l'aime, même si la personne est dans le kufr. Et si la personne, yani, il n'a pas de problème avec lui dans la dunya, hein, s'il a des problèmes avec lui dans la dunya, il le déteste même si c'est un mu'min. Il le déteste comme on déteste un kafir. Il n'y a pas de balance, il n'y a pas d'équilibre. Parce que les gens n'ont pas compris cette question de Al-Wala ou Al-Bara. Et malheureusement, c'est un des fondements de la religion. Donc il faut savoir la distinction et où la tracer. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran: La yanhakum Allahu an alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas, hein, d'être bon et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Donc tu peux être bon avec eux et tu peux être juste. Le croyant, Allah aime les justes. Mais ça ne veut pas dire que tu vas les aimer. Parce que ça, c'est autre chose. L'amour, c'est seulement pour les mu'minines. Al-mu'alat, c'est seulement pour les mu'minines. Tandis que les koufars et les mouchriquines, tu les détestes pour Allah à cause de leur kufr, à cause de leur shirk, à cause de leur contradiction des règles de l'islam. Donc ça doit être très clair. D'accord? Et ça n'empêche pas que lorsque les musulmans ont des ententes politiques entre des pays, hein, et que lorsqu'un musulman rentre dans les pays des koufars avec une entente. Il signe, c'est-à-dire qu'il ne va pas transgresser, il ne va pas faire du tort à personne, il ne va pas faire du tort dans les biens ou dans le sang des gens. Il doit respecter cette parole et honorer sa parole. Sinon, il fait qu'est-ce qu'on appelle al-radar. Al-radar, c'est la trahison. Hein? Et ça, c'est un des plus grands péchés dans l'islam. Yani Allah al-musta'an. Donc, tout ça, c'est très important de le comprendre comme il faut. Et ces versets-là, c'est pour nous rappeler que ceux qui agissent de cette manière-là, comme on le voit aujourd'hui de la part de certains qui parlent au nom de l'islam, et qui disent aux koufars, oui, on est d'accord avec vous, on est d'accord avec la démocratie, on est d'accord avec la laïcité, on est d'accord avec le socialisme, on est d'accord avec ci et ça, alors que ce sont des principes et des idéologies qui sont en opposition avec le tawhid et la aqida de l'islam, alors ça, c'est pas correct, on n'a pas le droit d'accepter ça. Parce que la démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pouvoir du peuple, c'est-à-dire que c'est le peuple. Le pouvoir du peuple pour le, par le peuple. Hein? Demos, ça veut dire le peuple, et Kratos, ça veut dire le pouvoir. Donc, le pouvoir du peuple. Alors que dans l'islam, le pouvoir, il est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la démocratie, qui est-ce qui décide des lois? Et qui est-ce qui légifère? Et qui est-ce qui rend licite ou illicite? C'est le parlement. Et c'est les hommes qui font partie des ministres et des députés et qui votent pour les lois. Et qui rendent l'homosexualité licite, halal, ou bien l'alcool halal, ou qui interdisent le sitar ou des choses de ce genre. Et ça, c'est kufr. Parce que la législation dans l'islam, c'est uniquement un droit d'Allah seul. Et personne n'a le droit de prendre ce droit-là et de se l'accaparer parmi les créatures. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre comme il faut. De même que la laïcité, qui est un principe qui est kufr. C'est-à-dire de faire une ligne entre la religion et la politique et l'économie et la société et de dire que dans la religion, dans les questions religieuses, c'est seulement au plan personnel, dans ta conviction personnelle et dans ta maison, dans le privé. Mais quand c'est le temps de parler de politique ou d'économie ou autre, c'est pas les lois religieuses qui doivent gérer, c'est les lois que les hommes ont inventées eux-mêmes. Et c'est pour ça que vous voyez que les chrétiens et les juifs, ils ont des règles dans leurs livres qui interdisent la fornication, qui interdisent l'adultère, hein, qui interdisent beaucoup d'autres péchés. Et lorsque tu leur dis, regardez, ça c'est dans votre propre livre, eh bien ils refusent de l'accepter. Ils disent, non, nous, on ne marche pas selon qu'est-ce qui est dans notre livre, on marche selon les lois qu'on a choisies et qu'on a inventées nous-mêmes. Donc ils opposent même leur propre révélation qui est abrogé et falsifié, mais malgré tout, il refuse de l'accepter quand même. Nassallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans ces versets-là, de ne pas les imiter et de ne pas devenir comme eux. Et le croyant, il doit justement faire en sorte d'essayer de ne pas ressembler à ces gens-là parce qu'ils ont dévié du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont contredit qu'est-ce que Allah a ordonné. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, regardez comment ces gens-là, ils prennent pour alliés yani les koufars. Donc ça, c'est des exemples pour montrer que si c'était vraiment des croyants comme ils prétendent l'être, ils n'auraient pas fait ça. Et donc les musulmans aujourd'hui, ceux qui se disent musulmans et qui font cette chose-là, qui prennent pour alliés les koufars dans les choses qui sont kufres et shirk ou bien contraires à l'islam, eh bien, ils ont une part de ce qui est mentionné dans ce verset-là, que Allah est en colère contre eux et qu'ils auront ils sont menacés du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et s'ils auraient cru en Allah et au prophète, et en ce que Allah a fait descendre sur lui, ils ne les auraient pas pris comme alliés, mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Ensuite, le cheikh, il mentionne un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud. Et ce hadith, il y a des ulama qui ont parlé au sujet de son authenticité. Donc, il est mentionné comme étant daïf, si je me souviens bien. Toutefois, sa signification, elle est vraie. Sa signification, elle est supportée par plusieurs versets et par plusieurs hadiths aussi. Et ce hadith, il dit quoi? Il dit, à propos de qu'est-ce qui est mentionné parfois dans les tafsirs au sujet de ces versets-là, il dit, Kalla wallah, c'est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, Kalla wallah, la ta'mourunna bil ma'ruf. يقول مخاطبا لأمته عليه الصلاة والسلام: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأترنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. وهذا فيه ذكرى. دونك qu'est-ce qu'il dit ce hadith dans qu'est-ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette parole? C'est que il dit: non, par Allah, vous allez ordonner le bien et vous allez interdire le mal, et vous allez prendre la main de l'injuste et vous allez le forcer à rester sur la vérité, sinon Allah va frapper vos cœurs les uns contre les autres et puis il va vous maudire comme il les a maudits. D'accord? Donc ça, c'est pour nous faire comprendre que si on agit de la même manière qu'eux, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que ce qui est arrivé à ces gens-là va nous arriver à nous aussi. Et c'est ça ce qui se passe. Hein? C'est ça ce qui se passe. Et il y a des versets dans le Coran qui mentionnent ce fait-là. Des fois, on remarque dans la communauté des musulmans qu'il y a beaucoup d'animosité entre les frères, de haine entre les frères, de haine entre les sœurs, de discorde, tout le temps. Il y a toujours des problèmes. Et on oublie que ça, c'est à cause de nos péchés. Hein? Plus on désobéit à Allah, eh bien, plus quand on se rencontre entre nous, on a cette friction entre nous, des problèmes à chaque fois, à cause de nos péchés. Et tout ce qu'on remarque actuellement dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans aussi, de problèmes entre les gens, eh bien, tout ça, c'est à cause de nos péchés. Donc si vous voulez voir que l'harmonie et l'amour fraternel islamique s'installent dans les cœurs des croyants, eh bien faites des efforts pour, hein, on doit tous faire des efforts pour essayer de s'écarter des péchés et de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse réunir nos cœurs. C'est pas juste comme ça qu'on va se réunir comme ça facilement, ou bien qu'on va se réunir comme ça physiquement puis qu'on va s'aimer comme ça automatiquement. Non, il y a des conditions pour que cet amour islamique soit présent entre nous. Et cette condition-là, parmi ces conditions-là, il y a le fait justement d'être ensemble dans l'obéissance d'Allah et de s'écarter de la désobéissance d'Allah. Sinon, si vous allez voir des péchés et des désobéissances, c'est sûr que vous allez voir de la haine et de l'animosité et des problèmes s'installer entre les musulmans. C'est obligatoire. Hein? Donc c'est ça ce qui se passe maintenant. Allah Musta'an. Il y a des gens maintenant, quand ils marchent dans la rue, des musulmans, ils veulent passer incognito. Ils ne veulent pas qu'un autre musulman le remarque comme étant un musulman. Hein? Chacun pour soi. Ça, c'est à cause des péchés. Hein? Et il y en a même des musulmans, s'ils savent que dans un quartier il y a des musulmans, ils veulent habiter dans un autre quartier. Ils ne veulent pas habiter dans un quartier où il y a trop de musulmans. Parce que si, quand il y a des musulmans, il y a trop de problèmes ou des choses comme ça, ils vont habiter chez les, à côté, proche des koufars. Ils disent: là c'est mieux, il y a moins de désordre, il y a moins de problèmes, il y a moins de ci, il y a moins de ça. Mais tout ça, c'est à cause de nos péchés et de tout notre désordre dans lequel on vit parfois. Tout ça, c'est à cause qu'on s'éloigne de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la sunna, elle ne nous appelle pas au désordre. La sunna, au contraire, elle nous appelle à la discipline et à l'ordre et au respect de l'autorité et à l'obéissance dans le bien. Pas à la désobéissance et au désordre. Il y en a maintenant, c'est comme ça. Beaucoup de jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent? Que si tu es vraiment un vrai homme, tu obéis à aucune loi, tu obéis à personne, tu respectes personne. Hein? Et ils pensent que d'agir comme ça, c'est d'être un vrai homme, d'être fort. Hein? Mais quand tu es respectueux, quand tu es poli, quand tu es bien éduqué, bien élevé, ils pensent que ça, c'est d'être faible. Hein? Ils pensent que d'être effronté, d'être mal élevé, d'être grossier, ils pensent que c'est ça là, être fort et être un vrai homme. Ils ont l'esprit à l'envers. Donc il faut corriger ces choses-là. Et si on ne veut pas être maudit comme ces gens-là ont maudit, c'est ça ce qu'on doit respecter. Donc c'est un rappel pour nous. Le cheikh il dit ensuite: فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين يتركون هذا الجانب أو يباشرون المعاصي والمنكرات بقوم استهموا على سفينة تتكون من طبقتين أو من طبقات في البحر استهموا عليها لأنهم متنازعون كل يريد المكان الأحسن فلم يفصلوا إلا أو فلم يفصلهم إلا القرعة والاستهام معناه الاقتراع الاقتراع نعم وضعوا القرعة وبعد القرعة كل أخذ ما خرجت قرعته فيه فكان بعضهم أصاب أعلى السفينة وبعضهم أصاب أسفلها أصاب الطابق الأسفل وكان الذين في الدور الأسفل يصعدون يأخذون الماء يرتوون الماء من الدور الأعلى كانوا في أول الأمر هكذا ثم إنهم قال بعضهم لبعض لماذا لا نخرق في نصيبنا خرقا ونأخذ الماء أنتم تعلمون السفينة إذا خرقت غرقت ودخلها الماء وغرقت سفهاء يقولون نخرق نصيبنا خرقا نستسقي منه الماء ولا نصعد على من فوقنا ونؤذيهم وكذا وكذا نحن نتصرف ما هم الذين يسيطرون علينا مثل ما يقوله بعض الناس اليوم ما يسيطر علينا أهل الدين وأهل العلم نحن أحرار نحن عندنا معرفة يقولون ما لأحد علينا وصايا أو وصايا يقولون يقول الأشقياء الآن يريدون أن يخرجوا عن قبضة أهل العلم وعن قبضة أهل النصح وعن قبضة العقلاء والراشدين ويتصرفون هم بسفههم نفس الشيء نفس الشيء يعني مثل يعني مثل مطابق ضربه النبي صلى الله عليه وسلم donc le cheikh il donne un exemple de qu'est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a mentionné comme exemple à son époque il a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a donné l'exemple de ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal et qui abandonnent cet aspect-là et qui font des péchés et des choses interdites en comparant ça à des gens qui ont tiré au sort pour savoir quelle place ils vont prendre sur un bateau. C'est un bateau qui a deux étages. Il y a le premier étage et il y a la cale du bateau, ce qui est en dessous. Et donc, chacun voulait la meilleure place. Alors, ils n'ont pas été capables de trancher, excepté en tirant au sort. Ils ont tiré au sort. Et certains d'entre eux ont pris la place d'en haut et d'autres ont pris la place d'en bas. Ceux qui étaient en bas ont dit, on ne veut pas déranger ceux qui sont en haut en remontant chaque fois pour prendre de l'eau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un trou dans la coque, on va faire un trou dans le bateau, puis on va prendre de l'eau directement. Et bien entendu, on sait que si on fait un trou dans le bateau, que l'eau va rentrer, puis le bateau va couler. Et donc, le cheikh, il dit que, à notre époque, il y a des gens qui pensent de la même manière. C'est-à-dire que ceux qui sont en haut en même temps dans le hadith, comme le cheikh il l'explique, ça représente les ulama, les hommes de science. Et ceux qui sont en bas, c'est les gens ordinaires, les gens du commun. Et il y en a à notre époque qui ont cette même mentalité. Ils disent, on ne veut pas écouter les gens qui sont les ulama de l'islam. On ne veut pas se limiter à ce qu'eux veulent nous imposer. On est libre. Nous aussi, on est intelligent. Nous aussi, on est capable de comprendre. Et en particulier chez les soi-disant intellectuels à notre époque. Les gens qui ont fait des hautes études dans les affaires de la dunya. Et ça, c'est bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Alhamdoulilah, s'il y a des hommes parmi les musulmans et des femmes qui ont des diplômes et qui sont éduqués dans la dunya. Mais le problème, c'est quand ils essaient de transgresser la limite et de dépasser la limite de leur savoir et de se mêler des questions religieuses. Et de commencer à vouloir se mettre au-dessus des hommes de science de l'islam pour déterminer qu'est-ce qui est halal et qui est haram, ou bien pour déterminer qu'est-ce qui est correct et incorrect. Hein? Vous avez des fois maintenant, parmi certains individus, certains groupes qui se prétendent appartenir à la da'wa, des gens qui parlent de religion et qui n'ont jamais fait d'études religieuses. Et tu vois leur titre parfois, quand ils organisent des conférences et des discours, ils vont dire « Docteur un tel va donner une conférence sur tel sujet dans l'islam. » Et quand tu demandes « Le docteur, c'est un docteur en quoi ?» Il te dit « C'est un docteur en chimie, c'est un docteur en médecine. » Il n'a jamais étudié la charia d'Allah, il n'a jamais étudié la religion d'Allah. Hein? mais c'est juste qu'il a étudié ces domaines-là. Et étant donné que c'est une personne cultivée, quand il se met devant les gens et qu'il sait bien parler, les gens pensent de lui qu'il a du ilm, alors qu'il est ignorant dans les questions de religion. Il est ignorant dans l'aqida, il est ignorant dans le manhaj, il est ignorant dans le fiqh, il est ignorant dans le tafsir, illa ma rahim Allah. Et c'est possible que quelqu'un ait réuni les deux. S'il a étudié les affaires de la dunya, puis en même temps il est allé étudier par la suite chez les ulama de l'islam, et qu'il a acquis une science solide dans la charia, il a le bien des deux, ça c'est possible aussi. Mais c'est rare que c'est le cas chez ces gens-là. Parfois, c'est juste des gens qui ont étudié uniquement dans la dunya et qui parlent de religion comme ça, et ils mélangent tout. Et ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis en garde contre ces gens-là. Et il a dit dans un hadith qui est rapporté dans Al-Bukhari, il dit « Inna Allah la yaqbidu l'ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu l'ilm biqabd al-ulama » حتى لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. Allah, il n'enlève pas la science en la retirant directement du cœur des hommes, mais il la prend, cette science, en faisant mourir les ulama, par la mort des ulama, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. Alors les hommes prennent à leur tête des ignorants. Et ils sont questionnés dans les questions de religion, et ils donnent des fatwas sans science, et ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres. Et ça, c'est un des signes du jugement dernier. Que des gens parlent de religion sans se référer aux ulama de l'islam, sans retourner aux paroles des ulama de l'islam. Wallahu al-musta'an. Donc, c'est l'exemple que le cheikh mentionne et dit, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. L'exemple de ce bateau, c'est exactement ce qui se passe à notre époque. Et donc, il dit, فَقَامُوا وَفَكَّرُوا فِي هَذَا وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ فما هو موقف أهل الدور الأعلى مع هذا التصرف؟ إن تركوهم يخرقون غرقوا جميعا الأعلون والأسفلون وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فموقف الذين هم في الدور الأعلى وهم أهل الشأن وأهل العلم وأهل الرأي والمشورة موقفهم الحزم ومنع هؤلاء من هذا التصرف الذي يسيء إلى الجميع فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا أهل الدور الأعلى والدور الأسفل وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام أهل الحل والعقد والعلم والرأي في الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنعوا السفهاء والدخلاء من التصرف الذي يسيء إلى الدين نجا الجميع وصار المجتمع نزيا طيبا وإذا أخلدوا إلى الراحة وقالوا ما لنا ولهم أو قالوا نصحناهم وما قبلوا وتركوهم يفسدون ويفسدون ويعيثون في الأرض فسادا أو يعيثون في الأرض فسادا يهلكون وفيهم الصالحون لأنهم تركوا الحبل على الغائق على الغارب لأنهم تركوا الحبل على الغارب وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا هذا مثل واضح مثل القائم على حدود الله هؤلاء هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والواقع فيها وهم الفسقة والعصاة كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وهم أهل الرأي وأهل العلم وأصاب بعضهم أسفلها فالذين في أسفلها قالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ منه الماء ولا نتطرق إلى من فوقنا ونؤذيهم هذا بزعمهم فيه أدب مع أنه في الواقع هذا كلام مغلف وأهل الباطل يغفلون كلامهم دائما بشيء مما يروج على الناس ولو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا وهذا مثال نبوي مطابق للذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر للذين يخوضون في المعاصي فلا يجوز لأهل العلم وأهل العقل وأهل النهي يعني وأهل النهى لا يجوز لهم ترك السفهاء لأن في الأخذ على أيديهم نجاة للمجتمع كله وفي تركهم هلاك للمجتمع كله وعقوبتهم ما تقتصر عليهم إذا نزلت قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Donc le cheikh il continue dans l'exemple et dans l'explication de qu'est-ce qu'on a mentionné. Donc on a vu que les gens qui étaient en bas ils se sont mis d'accord pour faire un trou dans le bateau. Qu'est-ce que les gens d'en haut doivent faire face à cette situation maintenant? Hein? Si ils les laissent faire ce qu'ils veulent, ils vont se noyer et ils vont tous périr, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Mais s'ils vont et qu'ils les prennent par la main et qu'ils les empêchent de faire ça, eh bien ils vont tous être sauvés. Et ça c'est l'exemple hein, des hommes de science et des ulama et des gens qui ont les responsabilités. Ils doivent avoir une attitude et une position ferme face justement à ceux qui sèment le désordre, qui désobéissent à Allah, qui font toutes sortes de péchés et de désobéissances. Ils doivent adopter une position ferme face à ces gens-là et leur ordonner le bien et leur interdire le mal. Et lorsque on compare ça avec ce qui se passe dans la société, c'est la même chose. Si les gens qui sont sur la droiture et qui ont la science et qui ont les positions d'autorité prennent la main des injustes et les empêchent de faire de la transgression et de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils vont tous être sauvés. Tout le monde dans la société seront dans le bien. Et par contre, si ils les laissent faire, eh bien, ils vont tous périr et ils vont tous se corrompre eux-mêmes et ils vont, yani, faire en sorte que la société tout entière va être corrompue, comme si ils étaient dans un bateau qui allait couler. Et ils vont tous couler, sans exception. Ils vont tous se noyer, les bons et les mauvais, sans exception. Parce que ceux qui étaient bons n'ont pas fait d'effort pour interdire le mal. Et donc, il mentionne l'exemple de ce hadith-là, puis il clarifie cet exemple-là par ce hadith. Ensuite, il dit « Amma alladhina yaqoumuna bin nushi wa tawjihi wa l'irshad yansahuna » وينصحون أنجاهم الله سبحانه وتعالى وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس إنما يهلك الجميع إذا سكت الصالحون وتركوا السفهاء والفساق إنهم يهلكون جميعا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض لا بد منه والذي يقوم به له الشرف في الدنيا والآخرة له الشرف عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه لأنه مصلح من المصلحين والذي تخلى عنه هذا له الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة ولكن هل كل الناس على درجة واحدة يجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على درجة واحدة لا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بحسب الاستطاعة فليس هناك أحد لا يستطيع إنكار المنكر ولو كان مؤمنا واحدا على وجه الأرض ولو أقل درجاته قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هل هناك أحد لا يستطيع أن ينكر المنكر بقلبه؟ ليس هناك أحد يعجز عن إنكار المنكر بقلبه يبغضه ويبغض أهله ويبتعد عنهم ويكره ما هم عليه أما من لم يكن عنده إنكار من هذه الدرجات الثلاث فإنه ليس بمؤمن قال صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وفي رواية وذلك أضعف الإيمان. Donc le cheikh il dit donc ceux qui donnent le bon conseil, nasiha, et qui sont sincères envers les gens, qui leur montrent et qui les orientent vers le bien pour eux-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala les sauve, comme il mentionne dans le verset 165 dans Surat al-A'raf qu'on a mentionné dans les cours précédents. Et on a sauvé ceux qui interdisent le mal, et on a pris ceux qui font de l'injustice par un châtiment, humiliant et rabaissant. Et donc ça c'est pour dire que ceux qui n'ordonnent pas le bien et qui n'interdisent pas le mal, ils sont tous pris par le châtiment d'Allah parce qu'ils se sont, même ceux qui sont bons parmi eux vont être punis parce qu'ils se sont tus et qu'ils ont laissé faire les faibles d'esprit et les pervers ce qu'ils veulent et qu'ils ne les ont pas empêchés de le faire. Et donc à cause de ça, ils vont tous périr à cause de ça. Donc, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est une obligation qui est nécessaire et qui est obligatoire. Et celui qui établit cette obligation-là, il a l'honneur et la noblesse dans cette dunya et dans l'au-delà. Il est noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est noble auprès de sa créature parce que c'est un réformateur parmi les réformateurs. Tandis que celui qui s'écarte de cette responsabilité et de ce devoir et de cette obligation, il aura la perdition et le châtiment dans cette dunya et dans l'au-delà. Mais est-ce que tout le monde est au même degré dans ce devoir et dans cette obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ou bien est-ce qu'il y a des degrés différents? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que chacun doit ordonner le bien et interdire le mal selon sa capacité. Selon sa capacité. Et c'est pas donc c'est sûr que tout le monde n'est pas capable d'établir, on n'a pas la capacité d'établir tous les degrés, sauf qu'il y a un degré que tout le monde est capable d'établir, c'est le degré du cœur. Tout le monde est capable d'interdire le mal et de changer le mal dans son cœur. Hein? Ça, c'est le plus bas de tous les niveaux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans le hadith qu'on a mentionné dans les cours précédents, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. Et s'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue. Et s'il ne peut pas, qu'il le change avec son cœur. Et ça, c'est le plus bas niveau de la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire que moi, je ne suis pas capable de changer le mal avec mon cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer sa main en ton cœur pour t'empêcher de changer le mal avec? Ou de détester le mal? Ou de détester ceux qui font le mal? Non. Donc tout le monde est capable de faire ce degré-là. Et ça, c'est le minimum pour être considéré parmi les croyants. Et donc, le cheikh explique donc que celui qui n'a pas un de ces trois degrés-là, alors il n'est pas un croyant. Celui qui n'a pas un de ces degrés-là n'est pas un croyant, comme c'est mentionné dans une narration de ce hadith, et après cela, il n'y a pas même une graine de moutarde de foi. Et dans une autre narration, on trouve la mention que ça c'est le plus bas ou le plus faible degré de la foi. Le cheikh explique maintenant, « قال العلماء هلك من لم ينكر المنكر بقلبه » Celui qui n'a pas détesté le mal par son cœur, il a péri. Ensuite, il dit « فَالدَّرَجَةُ الْأُولَىٰ أَلِنْكَارُ بِالْيَدِ وَهَذِهِ لِأَهْلِ السُّلْطَةِ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَأَعْضَاءِ الْهَيْئَةِ الْمُعْتَمَدِينَ لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَالنُّوَّابِ عَنِ السُّلْطَانِ بِيَدِهِمْ السُّلْطَةِ يُغَيِّرُونَ وَيُزِيلُونَ الْمُنْكَرَ بِأَيْدِيهِمْ وَيُؤَدِّبُونَ الْعُصَاةَ عَلَى حَسَبِ مَا يَسْتَحِقُّونَ بِالْيَدِ. Donc, il y a le premier degré, c'est de changer le mal avec la main. Et ça, c'est pour les gens qui ont le pouvoir et l'autorité. Eux, ils sont capables de changer le mal avec la main parce qu'ils ont le pouvoir et l'autorité. Hein? Comme par exemple, les dirigeants et leurs représentants. Et ceux qui ont un pouvoir, comme par exemple les policiers ou autres, qui représentent l'autorité, eux, ils ont la capacité de changer le mal par la main. Et dans certains pays musulmans qui ont gardé les règles de l'islam aujourd'hui, comme en Arabie Saoudite par exemple, on voit qu'il y a une police qui se charge en particulier d'ordonner le bien et d'interdire le mal dans la société, qui passe dans les rues, dans le souk et dans les autres endroits, et chaque fois qu'ils trouvent quelque chose qui est haram, eh bien, ils l'enlèvent ou bien ils le changent par la main. Hein? Donc ça c'est un exemple de qu'est-ce qu'on retrouve dans certains pays musulmans qui s'accrochent à l'islam et qui s'accrochent à la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est quelque chose qui existait dans les pays musulmans en général dans le passé, mais qui malheureusement a disparu dans beaucoup de pays musulmans. malgré que c'est une responsabilité des responsables et des dirigeants de faire en sorte qu'il y ait cette police qui se charge de ça. Et eux, ils ont l'autorité et la capacité de changer le mal par la main et de punir les désobéissants ou les gens qui commettent les transgressions et les désobéissances. Donc ça, ça vient clarifier en même temps l'idée de certains qui s'imaginent parfois que dans l'islam, il y a la liberté absolue, que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut et que personne n'a le droit de forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire des règles de l'islam. Ou que quelqu'un peut désobéir à Allah publiquement devant tout le monde sans que personne l'en empêche. Et ça, c'est faux. C'est contraire au principe de l'islam, puisque dans l'islam, on a dit que ceux qui ont l'autorité, ils ont le devoir et la responsabilité de faire respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la société, dans un pays musulman. Donc ça, c'est un exemple. Et ensuite, le cheikh dit « الدرجه الثانيه الانكار باللسان وذلك لمن ليس عنده سلطه ولكن عنده علم من اجل ان يبين للناس المنكر ينصح ويعظ يخطب يلقي محاضره يلقي درسا يحذر الناس من المعاصي والذنوب والمخالفات هذا الانكار باللسان ومن راه واقعا في معصيه ينصحه فيما بينه وبينه. Donc le cheikh ensuite il dit qu'il y a un deuxième degré dans l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, et c'est le degré de la langue, c'est-à-dire d'ordonner le bien et d'interdire le mal par la langue. Et ça c'est pour celui qui a l'autorité, qui n'a pas d'autorité, mais qui a de la science, qui a de la connaissance et du savoir. Donc lui, c'est une obligation pour lui de clarifier pour les gens qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est haram, et de leur donner la nasiha, et également de leur donner l'exhortation. Soit dans la khutbah, ou soit dans un dars, un cours, ou bien dans une conférence, eh bien, c'est un devoir pour lui de clarifier pour les musulmans ce genre de choses. Maintenant, donc, il y a un frère qui dit qu'il y a une BMW grise qui bloque la sortie. Quelqu'un qui veut sortir. Non, donc, c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal par ces différents moyens-là, et de mettre les musulmans en garde contre les péchés, contre les transgressions, les désobéissances, et de dénoncer par la langue ces choses-là, lorsqu'on les voit. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui tombe dans un péché quelconque, eh bien on lui donne la nasiha. On va voir la personne en privé, on lui dit, on lui donne le conseil, et on lui parle. On lui explique, on lui clarifie l'interdiction, et puis on lui explique. Et on lui donne une bonne parole pour que, Inch'Allah, cette personne puisse accepter et revenir au droit chemin. Et il y a beaucoup d'exemples de ça dans la société, parmi les choses qui sont haram, que les gens pratiquent ou que les gens font, mais parmi les choses qui sont haram actuellement, qu'on remarque beaucoup, étant donné qu'on est dans une société qui n'est pas musulmane, les gens se laissent plus aller dans le haram, puisqu'ils regardent l'atmosphère générale de l'environnement, puis ils disent, bon, puisque ce n'est pas des musulmans qui sont ici, eux, ils se permettent de faire tout ce qui est haram, donc ce n'est pas grave si on est moins sérieux dans notre religion, même si on fait des choses qui ne sont pas permises, qu'on ne ferait pas peut-être dans nos pays musulmans, mais ici c'est moins grave, donc on se laisse aller. Et c'est pour ça que tu vois des femmes maintenant qui, au lieu de porter le hijab selon les règles de la charia, elles vont par exemple mettre un petit foulard sur leur tête. Et elles vont mettre par exemple un pantalon, une blouse ou quelque chose, une tunique ou quelque chose comme ça. Et parfois, c'est des vêtements qui ne respectent pas du tout les conditions et les règles de la charia. Donc ça, c'est quelque chose qui est inacceptable en islam. Parce que si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait et qu'il accepte, qu'est-ce que tu fais comme adoration et comme acte religieux? Eh bien, il faut que cet acte-là ou cette chose que tu fais soit fait selon les règles et selon la façon que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Sinon, ça ne sert à rien de le faire. Donc, il est important d'enseigner à nos femmes, à nos filles, les règles islamiques et les règles de la charia dans ces sujets-là. Et de ne pas penser que si tes parents sont satisfaits de ce que tu fais, ou que ton mari accepte que tu ne te voiles pas islamiquement, que ça c'est correct. La femme, elle a sa conscience, elle a sa responsabilité devant son créateur, avant la responsabilité qu'elle a devant les créatures, devant son mari, ou devant son père, ou devant son frère, ou autre. Donc ça c'est un point important. Et surtout maintenant qu'on sait qu'il y a eu des nouvelles lois qui ont été ajoutées ou inventées dernièrement pour empêcher les femmes croyantes de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré ça, il ne faut pas que les femmes croyantes se découragent ou bien se laissent aller dans la désobéissance. Il faut qu'elles s'accrochent à leur hijab et qu'elles continuent à le mettre et encourager les autres qui ne le mettent pas à le mettre. Donc ça c'est important de le faire. Et sinon un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala risque de les atteindre. Et le châtiment d'Allah, il est plus grave que le châtiment des créatures, peu importe, hein? Donc ça c'est très important de le comprendre. Et il dit وبالنسبة للإنكار إنكار المنكر عموما يكون بالكلام العام وبالنسبة لإنكار المنكر على أفراد معينين فإنه يخلو بهم وينصحهم فيما بينه وبينهم وكذلك من الإنكار باللسان أن يبلغ ولاة الأمور عما يقع بالطرق الشرعية الكفيلة بوصول الخير بوصول الخير إليهم بدون تشويش وبدون تشهير إما بالمشافهة وإما بالمكاتبة وإما بالاتصال بأهل العلم وتبليغهم عما يحصل وهم يقومون بتبليغ ولاة الأمور أو يبلغ الهيئة ومراكز الهيئة ويتعاونون معهم على هذا الواجب العظيم وهذا الإنكار باللسان إذا لم يكن مع الإنسان لا سلطة ولا علم فينكر المنكر بقلبه فدل على أنه لا مناص من إنكار المنكر ولكن من رحمة الله أن الله جعله درجات بحسب الاستطاعة فمن قام بما يستطيع لم يسأل الله عما لا يستطيع وبريت ذمته وحصل على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ولكن المشكلة الذي لا ينكر المنكر لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه هذا هو الهالك والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit, lorsque quelqu'un veut condamner ou dénoncer un mal qui se fait de façon générale, alors il le dit de façon générale devant tout le monde, de façon générale il dit tel péché se produit, telle chose se fait, sans désigner personne en particulier. Mais lorsqu'il veut donner la nasiha à une personne en particulier, il va vers cette personne et il lui donne la nasiha en privé, entre elle et cette personne. Et lui explique qu'est-ce qui est mauvais et lui donne le bon conseil. Donc ça, c'est un exemple. Et sinon également, par exemple, s'il y a des choses qui se passent, par exemple, qui sont haram et qu'il n'est pas capable de le changer lui-même, il peut également contacter les autorités, soit par écrit, soit verbalement, il leur parle, il leur explique qu'est-ce qui se passe, pour qu'eux se chargent de changer ce mal. Ou bien il passe par les centres de Yanni ou les endroits où les gens sont chargés de faire respecter ces choses-là, et eux, ils vont s'occuper de faire respecter ou de faire changer le mal qui se produit. Ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal par la langue. Donc, et si quelqu'un n'a pas de pouvoir et d'autorité, et si quelqu'un n'a pas de science, eh bien, dans ce cas-là, il doit se limiter à dénoncer le mal par son cœur. Hein? Il doit se limiter à dénoncer le mal par son cœur. Donc, si quelqu'un, par exemple, il n'a pas de science, il n'a pas d'autorité, il voit que des gens font quelque chose de haram, il peut aller voir, par exemple, un cheikh ou un imam, et il lui explique la situation et le problème, il lui demande conseil, qu'est-ce qu'il doit faire. Et le cheikh ou l'imam, l'alim, il va donner la nasiha et il va faire transmettre le message. Donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce que le cheikh a dit. Et donc, parmi les choses qui font partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'il y ait des degrés dans l'ordonnance du bien et dans l'interdiction du mal, chacun selon sa capacité. Donc, le problème, c'est uniquement lorsque quelqu'un il ne fait pas l'inkar, il ne dénonce pas le mal, ni par la main, ni par la langue, ni par le cœur. Il ne respecte aucun de ces degrés-là. Alors là, c'est dans ce cas-là que c'est mauvais. Et pour terminer aussi, le cheikh, il mentionne un hadith qui est très important. Et ça, inshallah, on va terminer avec ce hadith. Ce hadith qui dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi ». C'est-à-dire que chacun d'entre vous est un berger et chaque berger, il est responsable du troupeau qu'il doit gérer. Hein? Et dans ce hadith-là, il y a l'explication et la clarification que le père de la famille, il est le berger pour sa famille, il a la responsabilité. Et en arabe, « mas'oul » qu'on traduit souvent par responsabilité, eh bien, ça veut dire, en fait, ça veut dire que la personne, elle sera questionnée par Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de cette chose, au jour de la résurrection. Mas'oul, ça veut dire qu'on sera questionné sur cette chose-là. Hein? Et même en français, responsable, ça a ce sens-là. Hein? Responsable, ça veut dire que tu vas devoir répondre de cette chose-là au jour de la résurrection. C'est ça que ça veut dire être responsable. Bon, peut-être pas pour la langue française, peut-être pas dans la notion de répondre devant Allah, mais au moins de répondre devant quelqu'un dans cette dunya ou bien pour les mu'minines, pour nous, c'est par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est ça qu'on doit craindre le plus et c'est ça qui est plus grave. Si on n'a pas respecté notre devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on sera questionné par Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là. Et donc ça, c'est pour faire comprendre que le père de la famille et la mère, elle a une responsabilité à l'intérieur de la maison de faire en sorte que tout ce qui est dedans, ça respecte les principes et les règles de l'islam. Et ne faites pas que si vos enfants s'égarent, vous en soyez les responsables parce que vous avez permis dans votre maison, vous avez permis de faire entrer dans votre maison des objets ou des instruments ou des choses qui vont être la source de l'égarement de vos enfants. Hein? Donc ça, c'est très important de faire attention à ça. Toute chose qui peut être source ou cause d'égarement ou d'influence négative et mauvaise chez vos enfants, débarrassez vos maisons de ces choses-là et éduquez vos enfants sur la piété et la foi. Et c'est ce qui va faire que par la suite, Inch'Allah, dans l'avenir, une génération pieuse et croyante va sortir avec des hommes et des femmes qui sont vertueux, qui ont été éduqués et élevés sur les principes du Coran et de la Sunna et de la compréhension de nos salafs salih. Et c'est eux, Inch'Allah, par la permission d'Allah, qui vont pouvoir peut-être faire une différence dans la société et dans l'avenir de cette Ummah. Parce que nos enfants, c'est l'avenir hein, de cette Ummah, Inch'Allah. Donc, il faut vraiment mettre la concentration sur l'éducation des progénitures qui viennent. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, que ceux qui sont capables d'aller vivre dans une société où il y a l'islam et où il y a plus de piété, plus de haine, plus de taqwa, c'est leur responsabilité s'ils sont capables de s'en aller dans ces endroits-là, de ne pas rester dans les sociétés où il y a du shirk et du kufr de façon ouverte et où les règles et les lois oppriment les croyants et où les musulmans ont de la difficulté à adorer leur créateur et d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut. Donc il faut vraiment faire attention à ça et en même temps il faut continuer la da'wah à Allah, continuer la transmission de la science à tous les croyants, à tous les musulmans pour faire en sorte que, inshallah, on reste sur le droit chemin dans toutes circonstances et dans toute situation, inshallah. Et pour terminer, un dernier mot, je voudrais juste remercier les frères de l'organisation ici à Marseille, La Voix Claire, hein, les deux Yassine, hein, qui ont fait en sorte que cette activité-là ait pu se faire, alhamdoulilah, et également remercier les responsables de Masjid al-Sunnah et ceux qui s'occupent de la mosquée, d'avoir permis justement qu'on puisse faire cette conférence-là aussi dans cette mosquée qui est Inch'Allah Mubaraka, et on espère que cette mosquée soit encore plus illuminée de ilm et de sunnah et d'application et de fraternité et d'amour islamique, inshallah, et que la da'wa à la salafia et à la sunna continue à se propager encore plus de cette mosquée-là et de, des autres mosquées qui sont sur la voie des salaf al-salih dans ce pays et ailleurs. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونسأل الله التوفيق والإخلاص والقبول بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته